Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, on va arriver! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Apprends-moi la main, toi, mon petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Après, nous serons nos copains. Bonsoir à tous. Un an déjà que Johnny Hallyday nous a quittés. C'était le 5 décembre 2017 à 22h30. Et voici un hommage. L'émission Johnny Z sur AIG. Je vous propose ce soir des concerts mémorables. Johnny Hallyday à Port Barcarès et à Béziers en 1978. Le premier concert que je vous propose d'écouter ce soir, c'était le 7 août 1970. Johnny revient pour la seconde fois à Port Barcarès, au pied du Lydia, le fameux paquebot des Sables. Et le concert donc fut retransmis en simultané sur les ondes d'Europe 1 dans l'émission de Michel Lancelot, Campus. Ne perdons plus une minute, rendons hommage à Johnny sur RIG. Survenons au Lydia à Barcarès. Pour ce deuxième partie du campus spécial original Johnny Hallyday, qui vient juste de commencer. Nous avons commencé quelques minutes avant, étant donné que nous n'avons pas pu avoir l'antenne plus tôt, parce que sinon, disons que la foule étant tellement grande et tellement impatiente, eh bien, les choses auraient risqué de se gâter si vous avez raté deux minutes peut-être d'antenne pour des raisons, disons, de sécurité. La patience était à bout. Johnny sur la scène du Lydia pour Barcarès. Jamais de bon avis, il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami lui soufflait dans le dos. Avec ce costume noir traditionnel maintenant. Il enchaîne très vite les chansons. Il va durer 1h15 environ sur la scène. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des cadres. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il a mené les filles au Il est né à San Francisco. Jésus, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ est un épée. Ouais. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter. Vagabondage au grand festival de Woodstock, c'est lui qui soignait les blessés. Jésus, Jésus-Christ, ouais, Jésus-Christ est taïpé. Ouais.

Mais aussi des petites anecdotes, des gens qui, pour ne pas payer, arrivent par la mer, par barque, et ça arrive toujours. C'est assez extraordinaire toujours, la resquille. La quantité de liquide que peut absorber Johnny en un tour de chant. Vous verrez que je vous donne des détails qui peut-être ne vous passionnent pas, mais enfin, en tout cas, ils sont piquants. Au moins 2 à 3 litres d'eau. Il paraît qu'il en évacue encore beaucoup plus. Certaines manifestations qui se sont passées ailleurs, bien c'est que ce public qui est arrivé en, pour les premiers, il y en avait déjà 2500 comptés à l'heure où je vous l'ai dit, vers aux alentours de 8h. Ils ont attendu le début du show qui était à 11h moins le quart et il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Tout le monde a attendu, disons, avec eux, dans ce cas-là, la plus grande patience. Ça, c'est incroyable. Jamais je ne recommencerai, non, jamais. Oh, ce qu'il faut dire, et ce qui rend d'autant plus incompréhensible certaines manifestations qui se sont passées ailleurs, bien c'est que ce public qui est arrivé en, pour les premiers, il y en avait déjà 2500 comptés à l'heure d'entrée, je vous l'ai dit, vers aux alentours de 8h. Ils ont attendu le début du show qui était à 11h moins le quart et il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Une de ses positions favorites, je crois. Qu'il enchaîne. Avant de continuer à chanter, je voudrais sais pas si vous êtes comme moi. Mais quand je me sens en confiance, comme ce soir, c'est-à-dire quand je me retrouve avec des amis, j'ai envie de parler avec eux. J'ai envie de leur expliquer ce qui se trouve à l'intérieur de mon cœur. J'ai envie de vous dire mes joies. J'ai envie de vous expliquer ma peur de la vie. Mais je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Oh, j'aimerais tellement que vous puissiez comprendre ce que j'essaie de vous dire. Je crois que quand un homme tombe amoureux d'une fille, l'homme est un homme fini. Je sais que C'est difficile d'expliquer ça, mais moi... Le charme, ou la fascination, enfin, de la bête, le spectacle, pour reprendre ce très vieux cliché, continue à opérer. Ça fait au moins 3 minutes ou 4 minutes maintenant que Johnny Hallyday, à genoux, ne chante pas, parle. Et qu'il a mal dans son cœur, et qu'il est seul, bien d'autres choses encore. Et des milliers de personnes avec sur ce fond sonore, écoute. Quand une femme a décidé que tout était fini, il y a très longtemps, un jour, j'ai rencontré une fille. Elle m'a souri. Je lui ai tendu la main. Elle a pris ma main. Oh, je l'ai serrée fort. Je crois que de ma vie, je crois que de ma vie, jamais je ne pourrais aimer comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je crie. Aujourd'hui, je crie. Je suis seul, mais je t'aime. J'ai peur de la porte qui ne s'ouvre pas. J'ai peur que tu ne viennes pas. J'ai peur de l'été quand les feuilles sont fanées. Je t'aime. silence qui cache ton retour. J'ai peur d'attendre toujours. J'ai peur de l'automne quand il te ressemble. Je t'aime. Je pense à l'enfant qui portait mon sang. J'ai peur de ne jamais le voir. Il doit être grand, mais je ne veux rien croire. Je t'aime. J'ai peur de la pluie qui donne de la terre. J'ai peur aussi de vieillir. J'ai peur de l'hiver, il te ressemble tant. Je t'aime. Les pas qui résonnent dans une autre maison. J'ai peur d'entendre ton rire. Ton corps va souffrir. Je ne veux rien croire. Je t'aime. Je ne veux rien croire. Je ne... Pendant que Johnny chantait, il s'est passé un, produit un petit incident, c'est-à-dire qu'une vague immense d'une millier de personnes environ vient de rentrer de nouveau sur la plage qui est pourtant délimitée par des barrières. Je ne sais pas si on les a laissés rentrer gratuitement ou s'ils ont forcé le barrage. En tout cas, ils viennent de eux aussi s'ajouter à cette marée humaine qui est là ce soir sur la plage de Port Barcarès, ce campus de ciel original avec Johnny Hallyday. Tu es très belle. Tu es comme une femme. Allez, je te connais, tu es très dur, mais sans cœur et sans âme. En toi, je trouve le ciel en toi. Oh. Dans leur douleur, t'en choisis pour maîtriser. Je sais combien t'amures. Oh, dans le gars, ton essence de graisse. Thank you. Humain sur une plage qui il y a quelques heures était encore gentiment peuplée, quoi, par des baigneurs, et qui brusquement se retrouvait noire de monde sur des centaines et des centaines de mètres, devant des milliers de personnes. C'est Johnny qui réussit particulièrement ici à Port-Barcarès tous les ans, ce que d'autres ont essayé, malheureusement n'ont pas réussi avec des festivals de pop musique. C'est incroyable. Il y a vraiment... Il y a vraiment quelque chose qui échappe. Rivière, ouvre ton lait. Johnny qui est littéralement déchaîné. J'étais très content d'ailleurs parce que l'interview s'est très bien passée. Il était en pleine forme, c'est-à-dire qu'il avait, bu un peu, juste ce qu'il fallait, ce qui le détend un peu. Il est toujours un peu crispé. Là, tout à l'heure, il a répondu, je crois, de façon intéressante à comment quelques questions que je voulais lui poser depuis longtemps. Maintenant, un dialogue avec le public. D'autres ont essayé, malheureusement n'ont pas réussi avec des festivals de pop musique. C'est incroyable. Il y a vraiment... Il y a vraiment quelque chose qui échappe. Rivière, ouvre ton lait. Vous avez vu ce qu'avait dit Johnny Hallyday dans cette interview, et c'est vrai, les orchestrations ont terriblement changé dans toutes ses chansons, le tout va changer complètement de visage. Il n'est plus de guitare électrique saturée et wah-wah, mais surtout des cuivres que l'on entend très fort. Come on! Ne peuvent pas applaudir, hein. Ils peuvent juste crier, hurler le plaisir et leur joie d'être là. Sinon, seuls les premiers rangs parfois suivent Johnny Hallyday pour applaudir. Hein. Ils sont tellement tassés les uns contre les autres. C'est vraiment la marée noire. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au désert, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux laisse une future, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, allez tout ça. Ton premier soupir se finit dans un cri. Quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Oh, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. Ça m'étonne, je croyais être davantage. Quelque chose dans les yeux, une flamme. Je lève la tête, je brûle les nuages. Marcher par les gens qui ne me ressemble pas. J'ignore-tu de l'amour, de l'amitié, et accepter tout le mal qu'on n'évite pas. Ah ben oui, mais je t'aime, moi je t'aime, ah oui. Sans faire de mouvement. Elle m'a vu, mais je sais ce qu'elle va me dire. Tu es pâle, tu as les yeux transparents. Elle fait tomber la mer en fond de son rire. Ah, mais je la tue. Moi, je la tue. Pas. Je n'ai pas de larmes, non, je n'ai pas de sang. Oh non, je n'ai qu'un amour qui ne s'arrête pas. Je suis allongé sur mon lit, je t'attends, je t'attends, car je t'ai vu, moi je t'ai vu. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Tandis que Johnny chante Je te veux, c'est vraiment très bien fait. On a même pensé sur la scène à deux assistants de Johnny promènent sur la foule des projecteurs vraiment puissants, bien que chacun se croit. Voilà, je pense en ce qui concerne les femmes concernées par cette déclaration de la grande idole blonde. Je te veux. Je te veux. Je te veux. L'amour. L'amour. Je veux te faire l'amour. Je n'ai besoin de personne.

guitare avec sur la scène du bière stroboscopique qui découpe, déchique un peu les silhouettes et notamment celle de Johnny, toujours à minuit pour ce campus spécial à Fort Barcarès. Mes amis, les meilleurs qu'ils soient. On voudrait faire changer, mais c'est une cause perdue. Vous perdez votre temps, je retournerai à la rue. Quand je suis né dans la rue, quand je suis né dans la rue, dans la rue. Du Lydia, une vision que vous connaissez bien pour l'avoir vu en image, un Johnny ruisselant, poitrail ruisselant et des lumières complètement folles qui tourbillonnent et la foule qui suit admirablement, des sauts de guitare qui s'enchaînent. On approche, je dirais pas de la fin, mais en tout cas on doit pas en être loin tout de même parce que la tension grandit. Et une violence incroyable dans cette chanson d'ailleurs. Et une violence, un désespoir et une morgue en même temps incroyable. Si on écoute bien les paroles, ça entend très bien fait d'ailleurs. Tapant sur la guitare, je ne sais plus si elle lui sert d'instrument à cordes ou d'instrument de percussion, mais enfin il s'en sert toujours, ouais. Il y a des moments où les barrières qui sont juste devant la scène oscillent dangereusement. Enfin, l'an dernier tout s'est bien terminé, il n'y a pas de raison que pour cette année ça ne se répète pas. Dans la rue. Je suis dans la rue, dans la rue, dans la rue. Je suis dans la rue, oh oui, dans la rue. Wow. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Après Port Barcarès, voici le concert de Béziers. Le 13 août 1978, Johnny et Sylvie enflamment les arènes de Béziers pour un show exceptionnel dont Carlos assure la première partie. Enfin, une tour de chant, ils interprètent Te tuer d'amour et It's so easy de Linda Ronstadt en duo. Et le concert qui réunit 18 000 spectateurs est retransmis en direct sur Europe 1 par Jean-Luc Lafont et en co-présentation Carlos. Parce qu'il comprend la fois que je l'ai quitté, c'est que je la vois, elle ne sait que respecter. Go, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Johnny, pique! Et quand j'aurais voulu la voir seule avec moi, elle amenait des amis qui trouvaient ma joie. Quand je voulais sortir, elle ne le voulait pas. Je ne cédais pas, elle serait dans mes bras. D'après tu comprends le point que je l'ai quitté. Je la vois, elle ne fait que répéter. Go, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go, thank you.

Bengale, la Népalie, les chasseurs et les chiens, enfin, c'est l'heure de sonner la lali. La bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir quand les volets. Prenez-moi le cœur, je suis prêt. Je vais m'endormir pour toujours pédérer. Je n'étais qu'un fou, mais pas d'amour. Elle a fait de moi un fou. Un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche, ma vie, c'était son cœur, je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai. Un pauvre fou qui me qui termine à genoux dans un spot rouge ce requiem pour un fou. Et tout au long de la chanson, il est allé pratiquement aux quatre coins de la scène, comme on est dans des arènes. Avant de commencer à chanter, sans doute, joue pas de rock'n'roll pour moi. C'était 76. Il jette son peigne. Des cailles bleues. Coiffe, rejette son second peigne, des cailles toujours bleues. Et voilà, c'est parti. Je n'en peux rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenir. Joue pas de rock and roll pour moi. Joue pas de rock and roll. Joue pas de rock and roll. Joue pas de rock and roll pour moi. Je veux ce qu'un homme devait faire pour mériter ce nom. Mais le dieu qui est la folie marche à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de nos souvenirs avec une voix qui grince comme un garant de sécurité. Chaque mot est un mensonge de ta vie, un sourire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Et te sers pas de souvenirs. Je crois que je vais rester sourd pendant très longtemps. Avec le sourire de la

Oui, ça fait mal avant de faire un homme d'un tout petit enfant. Il leur faudra combien pour qu'il devienne un grand? Combien de fois à terre il lui faudra tomber et sans pleurer, apprendre à se relever. Deviendra un homme de petit à petit en apprenant les durs leçons de la vie. Hey, les coups, quand il vous arrive, oh oui, ça fait mal, les coups qui apprennent à vivre, oh oui. Ça fait mal, aujourd'hui je sais que l'on n'a rien sans lutter. Le pied de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qui vous crie bravo. Mais ce qui voudrait vous voir un jour chaos. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, oui, ça fait mal. Les coups, qui apprennent à vivre, oh oui, oui, ça fait mal. Les coups. Les coups, ça fait mal. Les coups, oui, les coups. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Et vous? Vous voulez chanter avec moi? Alors il suffit simplement de chanter quelque chose comme ça. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir le faire? Alors je sais que ce soir il y a énormément de filles. Est-ce que vous êtes là? Et là? Et là? Alors on va d'abord commencer par les filles. Mesdemoiselles, est-ce que vous êtes prêtes? C'est pas terrible, terrible, terrible ce soir, les filles. Hier soir, en Corse, le stade était plus petit. Il n'était donc pas 18 000 comme vous ce soir. Mais j'aimerais vous dire qu'on les entendait, les filles, hier soir. On va essayer avec le garçon. Hey, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oh! Oui! Moi, ça fait mal! Voilà, mesdemoiselles, ce que j'appelle savoir chanter. Non, mais c'est pas vraiment pour vous dire que... C'est pas vraiment que je veux dire du mal de vous, mesdemoiselles, mais ceci, quand même, vous prouve une fois de plus que nous sommes et que nous resterons toujours le sexe fort. Vous ne croyez pas? Alors, mesdemoiselles, est-ce que vous voulez recommencer? Est-ce que cette fois-ci on va vous entendre? Alors est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes? En vrai! Et alors, c'est formidable ça! Plus fort! Hey! Allez, tout le monde. Je t'attendrai là jusqu'à midi, mais sûrement pas toute ma vie. Je t'attendrai là jusqu'à minuit, au maximum, mais après tant pis. Et la seconde, au monde, quand j'attends, c'est long, là jusqu'à minuit. Oh oui, là jusqu'à minuit. Je t'attendrai là jusqu'à minuit, au rendez-vous, j'ai ça, je suis. Je prends le barman, après qui qui me raconte toute sa vie. Minuit sonne, il me donne un petit mot. Je lis que c'était fini. Oh oui, que c'était fini. Ouais, c'était bien fini. Là jusqu'à minuit, je vais pas rêver, non, c'est bien écrit. Ne m'en veux pas, je t'en prie, Johnny. Faut-il que j'en pleure ou que j'en rie, que tout soit fini. Oui, tout est bien fini. Tout est bien fini. Oui, oh, tout est bien fini. Oh, moi j'ai tant besoin d'amour. Ouais, moi j'ai tant besoin d'une fille qui veuille m'aimer. Mais personne ne veut m'aimer. Oh. Y a-t-il une fille qui veuille m'aimer? Y a-t-il une fille qui veuille m'aimer? Oh non, moi je me sens seul. Oh, moi j'ai tant besoin d'amour. Je suis seul. Quand je les vois par la main, tous les amoureux, moi je sais bien, cet amour-là, je ne le connaissais pas, il ne sera jamais pour moi. Je suis seul. Je suis seul, presque toujours, au milieu de mes tourments, au milieu de mes tourments, oui. Oh, je me dis, viens-moi. Oh. Moi j'ai peur d'être un jour trahi. Et ton amour, tu peux me jurer. Je sais bien qu'un jour, on pourra crier. Je suis seul. Désespéré, Vous savez ce que vous êtes ? Est-ce que vous savez ce que vous êtes ? Et vous ? Et vous ? Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que vous êtes ? Eh bien, vous êtes tout simplement formidable. J'aimerais vous présenter le nouvel orchestre qui m'accompagne. Je vous présente mes amis, messieurs, mes musiciens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu mon spectacle ? Alors vous vous rappelez de mon guitariste Rolling ? Eh bien la vie a fait tout simplement, nos chemins se sont, disons, éloignés. Et j'ai eu énormément de mal à trouver quelqu'un pour le remplacer. Je suis heureux de vous présenter, il le mérite. Son digne remplaçant, il s'appelle Michel. J'aimerais vous présenter maintenant un de mes meilleurs amis qui écrit, pour ainsi dire, la plus grande partie de mes chansons. Il joue de l'harmonica dans, pour ainsi dire, tous les disques qui en ont besoin. Il joue l'harmonica sur scène avec moi ce soir. Il est corse. Je suis heureux de vous présenter mon ami Michel Mallory. De poignées de terre, pas de fleurs, pas de curé. Tu es parti, mon frère, boire ton dernier verre, seul au grand bar de l'éternité. Nos deux solitudes avaient l'habitude de vivre ce semblant de vie. Les flics et leurs grilles, le vin et les filles, c'est fini. Salut Charlie! J'irai dans les bars où nous allions le soir pour dire que tu ne viendras plus. Je boirai dans ton verre du haut de ton enfer. Tu me verras peut-être pleurer. Il me reste le monde, plein de brunes et de blondes, mais sans l'ombre d'une amitié. Nos rires et nos bagarres, nos misères et nos gloires, c'est fini. Salut Charlie! et je boirai pour deux. À la santé des filles, et je boirai pour deux, comme avant quand on était deux. Salut Charlie. L'amitié Angélie était ma seule famille, grâce à toi je m'en étais tiré. Y'a ton chien qui te cherche avec son cœur en laisse. Bien sûr, je n'ai pas le laisser. Je vais payer tes dettes et puis casser la tête à ceux qui te l'ont trop cassé. Nos rires et nos bagarres, nos cuites et nos histoires, c'est fini. Salut Charlie. Salut Charlie. Salut. Une heure moins le quart dans la ville de Béziers pour le spectacle de l'été après Carlos, Sylvie, Johnny, Anisette. Quelle magie! Me semble-t-il. 64, le pénitencier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Sa robe de mariée, peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas répandu. Demain, tu peux d'autres gars l'ont fini. Johnny, tout en bleu, de la tête aux pieds. Un spot sur un cheveu. Il y a avec lui sur scène une seule femme, c'est une des choristes, Rabia, qui chantait avec Nino Ferrer. Il y a une femme donc sur scène, et une très bientôt, tout près de vous. Cette femme qui s'appelle Gabrielle. Johnny qui reboit le contenu d'une bouteille d'eau minérale et va certainement lancer le contenant sur... voilà, c'est parti. Douche sur les trois premiers rangs, ici à Béziers. Très en forme, très souriant. Et des mains se tendent vers lui, un peu partout. On a vu tout à l'heure des rondes lumière qui se promenaient sur le public. Il s'approche du micro, bien réveillé. Nous allons vous parler maintenant d'une fille que vous connaissez tous. Voilà. Très bien. Vous la connaissez même très très. Vous voyez qui je veux dire ? Alors dites-moi son nom ! Ton amour est tendre, ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir. Que dans tes mains, je meurs chaque fois. Je veux partager autre chose dans le monde, dans ta vie. Et entendre la vie et ne plus me souper de tes cris. Oh, Philippe, Philippe pour moi. Je ne veux plus. Les arts de chaîne s'en va le jour, c'était ma peine portable de l'amour. Et vous le change à celui qui veut ma place. Les arts de chaîne s'en va le jour, c'était ma peine portable de l'amour. Je refusais. Que dans mon cœur c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu comprends, et le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos si t'en fais. Oh, sais-tu vraiment ce que tu me fais? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Les ans de chaîne sont voir le jour, c'était ma peine portable de l'amour. Une bonne chance à celui qui veut ma place. Les ans de chaîne sont voir le jour, c'était ma peine portable de l'amour. J'ai refusé. J'ai refusé. Thank you. je la fume. Et si je chante, ce n'est pas pour des prunes. Je me paie sur la terre, mon paradis, mon enfer. Si ça ne te fait pas, viens me jeter la première pierre. Pour moi, les voitures ne roulent jamais assez vite. Les chambres des filles sont toujours trop petites. Moi, je joue l'amour au poker quand c'est à mon tour de faire. Si ça ne te fait pas, viens me jeter la première pierre. Toi, tu meurs de peur, tu meurs de froid. Pour de l'amour et mourir. J'ai dormi un jour dans le même lit que la gloire. Elle est un peu putain et elle n'a pas fait d'histoire. Elle m'a fait l'amour gratuit. J'ai trouvé ça vrai, tu sais. Si tu n'y crois pas, viens me jeter là. Reviens bien. Solitude à deux, toujours Johnny Hallyday en direct des arènes de Béziers. Et attention, attention, prête-moi Josette qui a un petit message pour vous qui aimez Johnny et Sylvie et qui vous voulez par exemple leur écrire ou etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, Josette? Pour avoir les renseignements sur Johnny Hallyday ou Sylvie Vartan ou une photo ou recevoir une photo dédicacée, vous écrivez à Johnny Hallyday. Club, boîte postale 271-09, Paris 9. Merci. Ok, ben voilà, là, c'est ton message. Alors, le blues. Les 14 musiciens, le groupe Magnum, Johnny tout en bleu, commence à faire taper dans les mains à la foule des arènes. On va pour campagne. Marc, tu m'entends? Peut-être vous pourriez reprendre l'antenne pour les informations d'une heure et on se retrouverait ensuite pour l'apothéose de cette nuit. Jean-Loup? Oui. Pour les informations avec l'accord de la rédaction, oui. On pourra les retrouver à la fin du spectacle d'Hallyday, donc vous pouvez garder l'antenne. Ah, parfait. Formidable, formidable, formidable. Et j'ai besoin de vous! Et j'ai besoin de vous! Et j'ai besoin de vous! Et est-ce que vous êtes prêts? Alors tout le monde, debout! J'ai dit tout le monde, debout! Tout le monde est beau pratiquement ici à Béziers. Je vois 18 000 personnes debout et qui tapent dans leurs mains. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues.

très souriant, Johnny Hallyday. Très souriant. Là, je suis... Avant de vous quitter, je voudrais vous chanter une chanson à la mémoire de celui qui pour moi restera toujours le King of Rock and Roll. I said, come on up, baby, whole lot of shaking going on. Come on up, baby, we've got a chicken in the barn. Come on up, baby, we've got a chicken in the barn. We ain't taking a whole lot of shaking going on. Hey, shake it, baby, shake. All you gotta do, honey, is shake around with me. I said, shake it, baby, shake. I said, come on up, baby, hold on a second, go, wow. Johnny, me semble-t-il. Sur un pot pourri de rock'n'roll, peignoir bleu marine sur les épaules. C'est un boxeur qui aurait été faire 7-8 ou 10 rounds avec un adversaire fou qui s'appellerait le rock'n'roll. Quelle merveille. La nuit de Béziers, des étoiles, une chaleur ambiante extra. Et cet animal, ce fauve, tout en bleu. Il y a rarement des animaux en bleu, mais lui en fait partie, qui repart sur la scène dans les projecteurs, devant un saxophoniste qui se roule carrément sur la scène et joue entre ses jambes. Folie furieuse. À peine si on ose regarder. L'heure va bientôt arriver de... Non. Quelque part, je vois Sylvie Vartan. Je dis ça au milieu de l'arène. Et... me semble-t-il, ça repart. Pour votre plaisir, votre rêve, comme vous voulez. L'avoir ton ventre sous mes mains et sur mon cœur. Je veux te tuer ta bouche et puis mourir à mon tour autant de fois que tu voudras. Je veux te tuer de joie au mieux d'enchaîner ma voix. Je suis le pauvre et toi ma voix. Sur cette rive comme l'oiseau blanc au vent du nord. Et sentir contre mes lèvres ton cœur battre sous ta peau nue. Quand les mots donnent la fièvre et que le monde n'existe plus. Et puis mourir à mon tour, autant de fois que

Sur Europe, il est 1h21. Merci aux journalistes d'avoir attendu cette heure-là pour vous donner les informations d'une heure. Ainsi achève cet hommage rendu à Johnny Hallyday déjà un an. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence pour cet hommage radiophonique. À bientôt, ciao ciao. Tu nous manques, Johnny.